Vous écoutez France Inter, affaire sensible. Aujourd'hui, la révolution de velours en Tchécoslovaquie en 1989. Notre invité, Jacques Rupnik, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, professeur à Sciences Po Paris et à l'université Charles à Prague. Charles comme le nom du pont Prague, du pont à Prague, et auteur de plusieurs ouvrages dont Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages, c'était en 2014, et puis cette année le livre intitulé Europe at the Crossroads, c'est-à-dire l'Europe à la croisée des chemins, j'imagine, car c'est bien de cela dont il s'agit. Enfin, vous connaissez personnellement le président Václav Havel, vous avez été au près de lui, vous avez travaillé auprès de lui dans les années 90, c'est ça? Oui, c'est cela, oui. Oui. Dès son entrée à la présidence, donc, il m'avait nommé parmi ses conseillers. Et donc, pendant la première présidence tchécoslovaque, donc jusqu'à l'été 92 où il a démissionné, voilà, donc, j'ai travaillé étroitement, puis ensuite, bien entendu, de façon plus informelle jusqu'à sa mort, en fait, en 2011. Alors, quel souvenir vous gardez de cet épisode historique de 1989, en particulier en Tchécoslovaquie, pays dont vous êtes manifestement le plus proche? Vous étiez en France ou vous étiez à Prague ou... Non, moi j'étais en France et je suis arrivé à Prague au mois de décembre, donc en quelque sorte l'essentiel était fait, même si pas tout. J'ai pu assister à l'élection de Václav Havel à la fin décembre à la présidence. Et c'était, je dois dire, assez étrange. Après cette effervescence du mois de novembre jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la mi-décembre, il y a eu des manifestations, etc. Et ensuite voir Havel élu par l'ancien Parlement, parce que c'est un régime parlementaire où le président est élu donc par le Parlement. Or, le Parlement est un Parlement composé de communistes. Mais donc, ça faisait partie de la négociation. Bien sûr. Entre le Forum civique et ce qui restait de l'ancien régime, de faire une passation de pouvoir. Et donc, ce Parlement qui détestait Havel... Est obligé de l'investir. Dont le régime avait emprisonné Havel au début de l'année, le même parlement en faisait le président. Ironie de l'histoire. La particularité de la Tchécoslovaquie, quand même, à l'époque, c'est qu'il y a deux nations confédérées. Hein. Il y a la République tchèque et la Slovaquie, ça fait la Tchécoslovaquie. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que c'était un élément important dans le mouvement tchécoslovaque par rapport à d'autres mouvements dans les pays autour qui n'aimaient pas la structure de la Tchécoslovaquie en deux entités? Oui, c'est vrai. Ça, c'est une spécificité de la Tchécoslovaquie qui la rapproche plutôt de la Yougoslavie. Oui. Là aussi, fédération multinationale. La Tchécoslovaquie, effectivement, était composée de deux nations très proches, dont la langue est très proche, tout le monde se comprend. Mmh. Mais effectivement, il y avait une structure fédérale et le fédéralisme a été introduit après l'invasion soviétique. Donc c'était une réforme démocratique du printemps et c'est la seule qui ait survécu à l'invasion. Mmh. C'est important parce que du coup, elle a été mise en œuvre, la fédéralisation a été mise en œuvre par le régime de répression et de normalisation. Mmh. Et donc ça a vidé l'aspect démocratique du projet fédéraliste. Évidemment. Et ça explique en partie les difficultés ensuite, après 89, à trouver une nouvelle définition d'un fédéralisme démocratique, puisque le mot fédéralisme, comme le mot socialisme, était discrédité. Alors, deuxième particularité, évidemment, le poids du printemps de Prague, qui est un souvenir récent, finalement 68-89, ça fait jamais que 21 ans, c'est une vraie spécificité, ça a compté beaucoup, le souvenir du printemps de Prague dans la motivation de se soulever en 89. Ça pourrait avoir l'effet contraire aussi, la peur. Oui, c'est mal terminé quand même. La peur, oui, la répression du printemps de Prague, l'échec du printemps de Prague a été, bien entendu, un des facteurs d'explication des 20 années qui ont suivi. Là, ce qu'on a appelé le régime de normalisation, c'est-à-dire la façon dont on soumet une société qui s'est soulevée au printemps 68, qui a porté donc des réformes démocratiques et qui ont été écrasées par un demi-million d'hommes de troupes qu'on envoie en Tchécoslovaquie pour mater ce projet. Donc bien entendu, ça explique les 20 années qui ont suivi. Le soulèvement au mois de novembre 89, il arrive tard. Je rappelle que les élections libres en Pologne ont eu lieu au mois de juin. Que la Hongrie ouvre le rideau de fer au mois de mai, au mois, voilà, à la fin du printemps, que le mur de Berlin était tombé le 9 novembre, et donc Tchécoslovaquie arrive tard, j'allais dire. Bon, vous me direz, la Roumanie... La Roumanie, un mois plus tard encore. Roumanie, encore plus tard. Donc, y avait une formule qui résumait 89, qui disait la Pologne, 10 ans. La Hongrie, 10 mois. La RDA, 10 semaines. Ouais. La Tchécoslovaquie, 10 jours. Bon, et on pourrait ajouter Roumanie, 10 heures. Et l'Albanie, 10 minutes. Voilà, il y a une accélération de l'histoire. Vous voyez, donc les dominos des régimes communistes tombent, mais le domino tchèque tombe tard. Oui, alors, tombe tard, c'est une des spécificités. Mais alors, comment expliquer le fait qu'on ait eu une révolution dite de velours, une révolution institutionnelle? Pourquoi ça s'est passé comme ça, ici et pas ailleurs? Alors ça, c'est l'avantage à la fois d'arriver tard, parce qu'en grande partie, il y a une nouvelle donne déjà en Europe de l'Est qui est installée. Mais surtout, il y a deux raisons importantes. La première, Gorbatchev, à Moscou, avait explicitement renoncé à l'emploi de la force pour maintenir l'hégémonie soviétique dans son empire. Et il l'a dit dès la première brèche dans le rideau de fer à la fin du printemps en Hongrie. Il avait commencé comme ça. Il l'avait même dit auparavant que en gros chaque pays devait résoudre ses problèmes seul. Donc ça déjà vous avez les Russes n'allaient pas intervenir. Changement de donne absolument capital, il faut le dire. Absolument, c'est fondamental. Le plus important. Bon, à partir de ce moment-là, évidemment, on change le fondamental par rapport à 68, puisque vous mentionniez 68, c'était ça la différence. Deuxième élément. En Hongrie comme en Pologne, vous avez eu des transitions négociées, c'est-à-dire les gens de Solidarność en Pologne et ceux qui les avaient mis en prison en décembre 81, Jaruzelski et compagnie, se sont mis autour d'une table, on a appelé ça une négociation de la table ronde, et ils ont négocié une passation de pouvoir et le passage vers des élections libres et puis des gouvernements de coalition. Bon, la Pologne et la Hongrie ont fait cette transition négociée. Après la chute du mur, le Parti communiste tchécoslovaque, qui lui n'avait aucune envie, ni des réformes de Gorbatchev, ni des négociations avec la société, ils étaient dans leur bunker post-68 et ils étaient terrorisés à l'idée que justement le changement arrivait. Et ils étaient donc contraints, sous la pression de la rue, mais aussi parce qu'ils n'avaient plus à qui se vouer à Moscou, ils étaient contraints de céder leur pouvoir. Et donc, au fur et à mesure que le mouvement avance, ils sont obligés de faire chaque fois des négociations. On a la transcription des négociations que menaient Václav Havel et le Forum civique avec les dirigeants communistes. Et on voit qu'à chaque réunion, ce qui avait été convenu à la réunion précédente n'était plus valable parce que les concessions mineures qui avaient été acceptées étaient déjà dépassées par le mouvement. Et donc, c'est un syndic de faillite qui, en gros, négocie son retrait et on garde finalement M. Tchalfa, donc qui deviendra Premier ministre pendant une période transitoire jusqu'aux élections libres. Et essentiellement, ce dont il s'agit pendant cette négociation-là, cette révolution de velours, éviter la violence, évidemment, les deux parties sont très soucieuse de ça, et deuxièmement, créer les conditions pour amener à des élections libres. Et mettre le gouvernement communiste au pied du mur, si j'ose dire. Et ah ben là, à ce moment-là, tout le monde savait que le gouvernement communiste était terminé, parce que si on allait vers des élections libres, on savait à peu près que le Parti communiste se relèverait difficilement des 40 années de dictature qu'on venait de subir. Dernière spécificité, enfin peut-être autre spécificité, à part en Pologne où il y a eu une figure emblématique du soulèvement en 1980, début des années 80, Waleza bien sûr, là il y avait une figure emblématique, Václav Havel. On n'a pas retrouvé de figure emblématique ni en Roumanie, ni en Allemagne de l'Est, encore moins en Bulgarie, dont on ne parle jamais, parce que c'est probablement le pays le plus inféodé à l'URSS. Ça c'est un héritage culturel et historique, hein, les Russes sauveurs des Bulgares face aux Turcs, on n'en parlait jamais. Bon. Mais là, il y a une figure charismatique. Enfin, ça va être, c'est important, ça. C'est très important parce que c'est à la fois, donc, quelqu'un qui a l'aura d'un écrivain connu, d'un intellectuel d'une certaine envergure. Il a le crédit d'un dissident qui s'est engagé et qui est allé en prison. Donc les années de prison, en quelque sorte, j'allais dire... C'est un capital. C'est un capital politique. Mmh. C'est un capital moral au départ, parce que vous vous battez pour les droits de l'homme, mais vous, bien sûr, vous n'avez aucune chance de réussir. Donc on ne peut pas dire que c'est un calcul. C'est un don de soi. Même. C'est une posture morale, voilà, c'est une attitude morale. Mais qui devient, dans les circonstances de 89, un capital politique. Puisque quand on regarde la scène... Il y a le choix entre Dubček et Havel. Finalement, vous parliez de 68. On a, voilà, soit le personnage qui est connu, mais qui représente quoi? Il représente un échec. Parce que 68 a été un échec. Bien sûr. Et un échec que Dubček, symbole de l'espoir, a contribué à détruire, puisqu'il a signé à Moscou la capitulation après l'invasion. Il a signé la capitulation et, en quelque sorte, il a servi pendant une courte période de transition à ce que le régime de normalisation se mette en place. Donc, il était le symbole de l'espoir, mais d'un espoir trahi, d'un espoir déçu. Ouais. Donc, très difficile de renouer avec un projet qui a échoué. Bien sûr. Donc, vous avez le choix, en 89, entre Dubček, socialisme à visage humain, et Havel, qui représente non plus une démocratisation du socialisme, mais simplement la démocratie. Voilà. Non plus une amélioration de l'économie, mais une transformation de l'économie. Non plus améliorer la place... C'est plus un aménagement, c'est on pas change un aménagement, voilà. C'est une rupture. Et donc l'homme de la rupture, c'était plutôt Havel que Bien sûr. Alors Havel, qui ne devait pas être président, enfin, il voulait pas être président très longtemps, sera plus qu'il ne voudra, mais je pense pas qu'il l'ait regretté. Et on va écouter une archive, c'est au moment des retrouvailles en France entre Václav Havel, désormais président, et François Mitterrand, depuis longtemps président. J'ai là la note qui résume les propos du président Havel lorsqu'il pense à plusieurs étapes successives. La création d'une commission pour la sécurité en Europe, une organisation des États européens, on peut dire à l'image un peu de l'organisation des États américains, et enfin le débouché sur une confédération européenne, c'est en quoi on rejoint le projet que j'ai moi-même lancé le 31 décembre 1989. Mais cela est complémentaire. Cela n'est pas exclusif d'autres formes d'organisation. Et ne représente pas une substitution à la communauté européenne. Tout cela s'enchaîne et se lit. Bon, c'est très cérébral, hein. C'est pas forcément très engageant, mais ce que dit François Mitterrand, là, c'est une feuille de route. Alors, je précise, Jacques Rupnik, que cette rencontre, vous la connaissez bien, vous l'avez organisée. J'ai contribué à l'organiser pour le président Havel. Donc, j'ai eu la chance de l'accompagner pendant ce voyage. Et c'était quoi l'enjeu, là, l'enjeu? L'enjeu s'était renoué, parce qu'il avait fait un voyage, d'abord Washington, Moscou, et ensuite Paris, Londres. Donc on a fait, le lendemain après Paris, on est allé à Londres. Mais non, ça c'était important, renouer, bien entendu, remettre la Tchécoslovaquie au centre de l'Europe, en quelque sorte, renouer le fil qui a été rompu. Donc ça, c'était important symboliquement, mais bien entendu, il y avait un projet politique. Quand on entend Mitterrand parler de la Confédération européenne, là, c'était intéressant pour Havel, bien entendu. Vous sortez du bloc soviétique, on vous parle de Confédération européenne. Donc c'était éminemment attirant. Et malheureusement... il y a eu un grand malentendu autour de cette idée. Mitterrand dit là dans cette allocution que ce n'est pas exclusif d'autres appartenances, mais il faut dire que ce projet de confédération dont Havel est devenu le partenaire. Donc Mitterrand et Havel ensemble ont lancé le projet de confédération européenne. Il y a eu un deuxième voyage, celui de François Mitterrand en Tchécoslovaquie. En septembre 90, j'étais aussi de ce voyage, et c'est là où officiellement ils ont annoncé qu'ils étaient les deux parrains du projet de confédération. Mais au départ, pour Havel, ça semblait attrayant. Vous sortez du bloc soviétique, on vous propose la confédération européenne. Ah, c'est formidable, mais il y a eu le malentendu alors. Et le malentendu était que, au fur et à mesure qu'on allait préciser ce que serait la confédération, ben, il s'avère que Mitterrand voulait y inclure l'Union soviétique de Gorbatchev. Aïe. Parce qu'à l'époque, évidemment, la priorité des Occidentaux, dont la France, était « il ne faut rien faire qui puisse affaiblir Gorbatchev ». Il fallait éviter l'éclatement de l'Union soviétique, justement. C'était ça la priorité. Et donc, on a voulu soudain inclure l'Union soviétique, et vous dites aux pays d'Europe centrale, donc à la Tchécoslovaquie, donc à Václav Havel, mais vous savez quoi, ce qu'est la Confédération européenne, ce qui, eux, pensaient que c'était pour les pays d'Europe centrale, un arrimage à l'Europe occidentale. Oui. Or, pas du tout, on leur dit, non, c'est avec l'Union soviétique, et vous, vous êtes en train de sortir du pacte de Varsovie, mais non, on va vous mettre à nouveau ensemble avec l'Union soviétique. Pour eux, il y a mal donné, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, c'était terminé. Bon, alors il y a ça. Il y a aussi le poids de l'histoire. Vous avez des pays qui ont été sous le joug de l'Union soviétique et qui ont considéré les États-Unis un peu comme l'Éden de liberté. Est-ce qu'il n'y a pas chez ces pays-là encore ce sentiment selon lequel, dans une dialectique très simple, les ennemis sont mes amis. Donc on est encore attaché aux États-Unis. On fait partie de l'Europe, mais le rêve, il est peut-être de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, ça a changé. Il y a eu certainement ça, parce que, évidemment, au moment de la chute du système communiste, à qui attribuer la victoire ? C'est toujours la question. Et moi, je me souviens, pour le 10e anniversaire de la Révolution de Velours, Václav Havel avait organisé à Prague la réunion de tous les dirigeants de 89, tous ceux qui étaient au pouvoir en novembre 89. Et il y avait donc Bush... il y avait Kohl, Thatcher, Mitterrand n'était plus là parce qu'il venait, il était décédé entre-temps. Il y avait Daniel Mitterrand qui le 89, vous m'avez dit ? Non, 99, ah, 10 j'ai ans compris, après. 89, non, d'accord. Non, 89, non, on n'était pas dans les commémorations, on était On était dans l'action. Non, 99. Et donc, ce qui était remarquable, c'est que chacun avait s'attribuer le mérite. Bush disait, mais non, c'est nous, l'Amérique, qui a vaincu. C'est Reagan qui a gagné la guerre voilà, froide. Voilà, absolument. C'est dans la guerre froide, nous avons la liberté a vaincu le communisme. Kohl disait, ben nous, c'est nous qui avons réunifié l'Allemagne dans la démocratie. Thatcher disait, c'est moi et Reagan avec le marché libre, nous avons vaincu. Chacun tirait la couverture à lui. Et Walesa, bien sûr, le Polonais, disait, mais non, c'est nous les Polonais avec Solidarność, c'est nous qui avons mis le système communiste. On est d'accord que c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Et bien entendu, Gorbatchev, disant à la fin, il dit, mais qu'est-ce que j'entends ? J'entends que j'ai été vaincu, etc. C'est quand même grâce à moi. Et il a eu cette phrase, je leur ai donné la liberté sans leur demander ce qu'ils en feraient. Et c'est une très belle phrase, sauf si vous êtes à la tête d'un empire. Évidemment, si vous êtes à la tête d'un empire, vous avez en quelque sorte scié la branche sur laquelle vous êtes assis. Excusez-moi de vous bousculer un peu, il ne reste que deux minutes. Malheureusement, je voudrais qu'on dise un mot maintenant de la Tchécoslovaquie, la République tchèque et de la Slovaquie et des autres ex-pays de l'Est dans l'Europe d'aujourd'hui. Dans le monde, le Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, on dit Babiš, c'est ça ? Babiš. Ça s'écrit B-A-B-I-S, on dit Babiš. Justifie la position des États d'Europe centrale sur les migrants, c'est l'affaire sensible en ce moment en Europe. Alors lui, il ne veut pas choisir entre Orban et Macron. C'est qui ce monsieur ? Ce monsieur est un entrepreneur au départ qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, qui s'est lancé dans la politique il n'y a pas très longtemps. Ça fait maintenant, oui, il a été aux dernières élections, pas celle de l'année dernière, mais d'il y a 4 ans. Son parti est entré dans une coalition avec les sociaux-démocrates et les chrétiens au départ. Et maintenant... Il a gagné les dernières élections et c'est lui le patron, c'est lui qui est le premier ministre. Donc vous avez là un entrepreneur qui a acheté des médias et qui ensuite s'est lancé dans la politique. Tiens donc. Et donc là, vous avez un modèle à mi-chemin. Qui en rappelle d'autres, hein. À mi-chemin entre Berlusconi et Trump, si vous voulez, de l'entrepreneur politique. Hein, voilà. Ça, c'est le phénomène. Mais il ne veut pas. Alors, sur la question des migrants, il est sur la ligne Orban et le groupe de Visegrad. Ouais. Par contre, il ne veut pas être, dans un bloc qui s'opposerait à Bruxelles, à l'Union européenne. Absolument. Il veut absolument que la République tchèque soit partie prenante de la construction européenne. Jacques Lupnik, on va se revoir. On va vous inviter de nouvelles fois, je ne sais pas quand, mais bientôt, pour qu'on parle plus longtemps de ces pays dans l'Europe aujourd'hui, et notamment de ce groupe Visegrad, qui est important, hein, qui réunit la République tchèque, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. On n'a pas le temps aujourd'hui, malheureusement, mais on se reverra. Merci, en tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages aujourd'hui. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la révolution des lourds en Tchécoslovaquie en 1989, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter. Merci à Ludovic Caslot qui était à la technique. Comme nous sommes jeudi, je vais remercier l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Héloïse Davio, Jeanne Maillère et Simon Maisonneuve. Lecture, Philippe Pirard. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation aujourd'hui, Coyen Guyenne, et à la technique, Ludovic Asselot. Je vous remercie une deuxième fois. Vous écoutez France Inter, il est 16h.